Il faut prendre une impulsion sur le tremplin pour s'envoler verticalement, puis poser les mains sur le tapis, rentrer la tête et s'enrouler pour effectuer la roulade avant et se relever sur ses pieds.